Chapitre 8. La nouvelle collaboratrice du Monde. Après les présentations, Escander expliqua pour quelles raisons son article n'avait pas paru, puis il demanda à la jeune fille la faveur de l'entretenir en particulier. Germaine le conduisit dans le petit jardin, et tous deux suivirent, quittèrent, puis reprirent les allées bordées de buis et de rosiers qui dessinaient leurs courts méandres dans cet étroit espace de terrain tout embaumé. « Mademoiselle, dit Escander, voulez-vous me permettre de vous poser une question? Elle vous paraîtra peut-être fâcheusement indiscrète. Je ne viens pas vous rendre un service. Je viens au contraire vous en demander un. » « Parlez, monsieur. Combien gagnez-vous à enseigner la chimie et la physique à des jeunes filles qui s'en soucient comme du grand mogol ?»« 250 francs par mois. » « Ce n'est pas beaucoup, fit Escander. Mais dans 10 ou 15 ans, vous pourrez obtenir les palmes académiques. » Germaine se mit à sourire. Et puis la vie à Provins ne doit pas offrir beaucoup d'intérêt. J'ai mon travail. Oui, mais il est ingrat, et vous valez mieux. J'ai besoin de vous. Depuis notre rencontre, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai cherché Jacques Lambert, et Jacques Lambert est introuvable. Circonstance étrange, il a disparu il y a 2 ans. Exactement 2 ans avant l'apparition du fléau qui s'est abattu tout d'abord sur la France. Ceci est à noter. Or, vous le connaissez, moi je ne le connais pas. Et je puis passer à côté de lui sans le savoir. Cependant, ma conviction est que c'est de son côté qu'il faut chercher. C'est aussi de plus en plus la mienne. Parfait. Alors, maintenant que vous avez compris de quelle utilité vous pouvez être, je vous apporte ceci. Un congé payé de 6 mois, un emploi honorable au Monde et 600 francs d'appointement par mois. Écoutez-moi. Dans la certitude que vous accepteriez cette situation momentanée, je vous ai trouvé dans un quartier propre et bourgeois, dans une maison honnête, un petit et coquet appartement meublé où vous pourrez vivre avec madame votre mère. Maintenant, j'ajoute, je crois que vous pouvez, que nous pouvons, ensemble, faire beaucoup de bonnes besognes. Quelque chose me dit que vous êtes sur le bon chemin. Allez-vous faillir ? La jeune fille resta une minute interdite, profondément troublée. Elle leva vers Escander un regard timide. « Je ne suis pas seule. » Voulez-vous que j'aille plaider votre cause auprès de votre mère ? Non, laissez-moi faire, je reviens. Légère, elle s'éloigna, et comme lors de leur première rencontre, Escander regarda sa jolie silhouette disparaître. Resté seul, il fit quelques pas. Devant lui, une rose pourpre achevait sa muette et splendide carrière. Au pied du vase qu'il apportait, les pétales tombés faisaient comme une petite mare pourpre. Un pétale tenait encore au cœur de la fleur. Il le prit et l'enferma dans son portefeuille, puis, jetant un regard autour de lui, il envia la paix tranquille qui régnait dans la maison. « Il ferait bon vivre ici, pensa-t-il. » Puis, à cette première pensée, en succéda une autre. « Je ne suis pas venu pour faire des rêves bucoliques. Allons !» Il se secoua et se mit en marche. Germaine revint enfin. Elle avait convaincu sa mère. Les deux femmes partiraient aussitôt que possible. Escander s'en alla, du soleil plein le cœur. Il en fut même surpris et chercha la cause de cette joie intime. En rentrant à Paris, il alla trouver le Sautère et s'ouvrit à cet homme, qui avant tout était son ami, de ce qu'il comptait faire. Retrouver Lambert à tout prix, et par lui, surprendre la terrible association des Rajisrak. Pour cela, Germaine était nécessaire. Le Sautère en parut convaincu, et il proposa au jeune homme d'attacher pour toujours la jeune fille à la rédaction du Monde, où elle rendrait compte des travaux des académies, quand Escander lui en laisserait le loisir. Cela étant réglé à la satisfaction de l'un et de l'autre, Escander, exultant, écrivit une longue lettre à Germaine pour la mettre au courant, puis, le cœur tout battant d'un espoir encore balbutiant, il attendit les deux femmes qui débarquèrent à Paris 8 jours après.